bottom of your back. You don't seem to feel it though, as you swing down the street, walking that unique birthday candle glow. Yeah. Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. We'll be right back. don't think that's real. Your day and the fears you give.

time or get back in line to be never seen again. Good things come to those who wait, but what is true? Is it too late? Thank you. Restless children, we faced ourselves and danced among garlands and chivalry. But it's a story that no one tells. Everything has a cruel symmetry. Everything has a cruel symmetry. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Docker ! Sol, 100.7. Oui, oui, il est bien là, il est derrière les manettes. Thierry, votre humble serviteur pour une nouvelle émission, une nouvelle saison. On a démarré avec Marillion. Marillion, nouvel album, Sounds That Can't Be Made. Un nouvel album donc superbe, qui mérite plus d'une écoute avant de vraiment rentrer dedans. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est un petit palace, suivi de The Gathering. Les Hollandais frappent avec Disclosure. Disclosure, donc nouvel album de The Gathering, ma foi fort sympathique. En troisième position, vous avez eu le bonheur, je l'espère, d'écouter le troisième opus de Shadow Circus. Shadow Circus, c'est un groupe américain et qui frappe très, très, très, très fort avec un album intitulé On a Dark and Stormy Night. C'est ricain et c'est pour moi l'album du mois. On a continué avec le troisième opus des Allemands d'Argos, A-R-G-O-S, Cruel Symmetry, la symétrie cruelle, avec un morceau qui s'intitule pareil, Cruel Symmetry. Marillion, The Gathering, Shadow Circus et Argos. On continue notre petit bonhomme de chemin avec des British de la grande époque qui sont sur le retour et ça fait plaisir. Quasar, souvenez-vous, Quasar, c'est un groupe qui avait démarré en 79. En même temps que Pendragon, en même temps dans la foulée que de Marillion Palace. Et ces petits Quasars nous avaient sorti que deux albums studio et un live. Eh bien, voici un deuxième live qui est, ma foi, fort bien troussé. Je vous propose Mission 14, Mission 14. Vous allez voir, c'est un pur bonheur. Quasar, tout de suite, sur le 100.7. Et c'est Prog à part, l'émission du rock progressif, bien sûr. Understand the reasons why. See stars. Ah, que c'est bien, dit-il. Quasar, live 2011. Ah, que c'est bien, dit-il. Bis, c'est réédition de Strangers on a Train. Souvenez-vous, ce groupe, ce super groupe qui avait produit deux volumes d'une longue saga, The Key, Part 1 and Part 2, réédité par nos amis des Ésotériques, et je ne résiste pas à vous offrir un extrait du volume 1 de Key, Part 1, The Prophecy, c'est le sous-titre, et le titre du morceau, From the Inside Out. Strangers on a Train. après on rejoint Landmark. Également à noter que la belle Tracy, que j'ai pu croiser d'ailleurs, une belle blonde, eh bien, a chanté dans Quasar. Comme quoi, il n'y a pas tant de hasard sur cette émission. Et on continue avec Anglagar. Bon, on va arrêter les assonances et les rimes. Anglagod, ça fait un moment qu'on attend leur troisième album de ces Suédois. Les voici, les voilà, avec un album somptueux. Je vous propose un large extrait de 13 minutes. Anglagod, je vous donnerai pas le titre, c'est imprononçable. C'est le troisième opus des Suédois, tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressif, bien sûr. N. Ce duo formé d'un certain Steven Wilson de Porcupine Tree et de Tim Bowness. Un double, c'est-à-dire un disque live et un DVD qui l'accompagne pour ce Love and Endings. Love and Endings. Je ne sais pas si je vous ai passé, mais si c'est fait, tant pis. Si c'est pas fait, tant mieux, puisque c'est tellement beau que il faut vraiment s'attarder sur cet album sans s'apesantir. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Et je pèse mes mots. Oh, tout de suite, un extrait de ce Love and Endings, No Man. You're leaving. Oui, ils peuvent applaudir, c'est effectivement superbe. No Man. Puisqu'on parle de live, et bien sur Lyon, deux concerts se profilent à l'horizon. Tout d'abord Marillion. Marillion au Transborder le 20 janvier. C'est un dimanche 20 janvier. Donc au Transbo, Marillion. Et le mois qui suit, en février, le 9 pour être précis, le 9 février, c'est un samedi. Ange, ainsi que nos amis de Messaline, à la tannerie à Bourg-en-Bresse. C'est pas si loin que ça. Allez, bougez-vous. Donc, Marillion au Transbo le 20 janvier et Ange à la tannerie à Bourg-en-Bresse le 9 février. C'est un samedi. Voilà pour les concerts qui se profilent à l'horizon. Ce qui arrive tout de suite, c'est Hawkwind. Hawkwind, ils sont de retour, ils sont increvables avec une espèce d'excroissance, de séquelles, comme on dit. Hawkwind Light Orchestra, un nouvel opus qui s'intitule Stellar Variations. Stellar Variations, tout de suite, Hawkwind. nombreuses plaintes. L'administration de Saint-Agénor sur Siphon vient d'ordonner la démolition du moulin Mathieu. On sait que ce vieux bâtiment, abandonné depuis de nombreuses années, sert actuellement de refuge à une mule. À une multitude de rats qui accommodent le voisinage. Espérons que ces indésirables rongeurs... Sa Majesté, Anthracite III, vous parle. Rat, rat, rat, vive le roi des rats, vive Anthracite III. Rates et rats, oh mes fidèles sujets, voici que s'étend devant nous une fertile vallée qui remplacera avantageusement les ruines du moulin Mathieu. Ce sera notre nouveau royaume de rats. Je vous donne l'ordre d'occuper tous les terriers que vous trouverez et d'en chasser les propriétaires. Vive le roi des rats, vive Anthracite III. Opération ratisation, exécution. Petit clin d'œil à Raymond Machereau, l'auteur de Sibylline et de Chlorophylle notamment. Un petit cadeau, un petit clin d'œil pour mon épouse qui a craqué, mais elle n'est pas la seule. Ça devient monstrueux. Qui, quoi, Muse, tout simplement. Muse devient absolument monstrueux en Angleterre et bientôt en France. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Voilà des gens qui flirtent allègrement avec le progressif, qui s'en réclament. Donc ça ne peut que nous plaire. Et je vous propose une petite vieillerie, un album qui date de 2003. Je suis en train de chercher le titre... Absolution, voilà, Absolution, donc de Muse. Régalez-vous avec Butterflies et Hurricanes. Butterflies and Hurricanes, tout de suite Muse. Change everything you are and everything. Surely come. Voilà, c'est fini. C'était Prog à part, l'émission du rock progressif, présentée, proposée, réalisée par votre humble serviteur Thierry Sportou. Je vous rappelle que c'est la version sonore d'Acide Dragon, le magazine de rock progressif lyonnais, écrit en anglais. Merci au passage à l'ami Jean-Louis Delacruz, qui est de l'autre côté du poste et qui assure la technique. C'est-à-dire que grâce à lui, d'ici deux jours, vous pourrez entendre cette émission en pod. Cast sur le site d'Acide Dragon. Vous tapez acidedragon.eu, acidedragon, Acide Dragon tout collé, donc avec 2D.eu comme Europe, et vous cherchez Prog à part et vous trouverez avec votre souris le lien pour cette nouvelle émission de janvier de rentrée. Au passage, tous les vœux de l'équipe d'Acide Dragon et de Prog à part, tous nos vœux musicaux et progueux, bien sûr, une bonne année musicale. Voilà, un rendez-vous donc pris avec Marillion, puis en février avec Ange. D'ici là, on se sera retrouvés, c'est-à-dire entre Marillion et Ange, puisque le 4 février, le lundi 4 février de 20h30 à 22h30, ce sera la nouvelle émission, édition février, de Prog à part. D'ici là, tenez tati, à que la prochaine, et bien sûr, suivant la formule consacrée, je vous pète la miaille.